Chapitre 11. Fureur de Frolichen. Gaspard rend un service important. Lucas attendait le retour de Gaspard pour savoir quand il entrait chez M. Ferréor. Il fut surpris et peiné de voir arriver M. Soivrier tout seul. Le père et la mère Thomas furent très mécontents de l'enlèvement de Gaspard. Thomas. Nous ne lui avons seulement pas dit adieu. La mère. Il n'a pas seulement une chemise de rechange. Thomas. Je ne sais seulement pas si la position lui plaît. Soivrier. Soyez donc tranquille, il viendra vous voir dimanche. Vous lui direz adieu à votre aise jusqu'au dimanche suivant. Je viens chercher ses effets. Faites-en un paquet, mère Thomas, et mettez-y ses livres, il en aura besoin. La mère. Je ne les connais pas, moi. Je n'y ai jamais regardé. Lucas. Je les reconnais très bien. D'ailleurs, s'il en reste, il viendra les quérir dimanche. Le paquet fut bientôt fait et Soivrier n'eut pas de peine à le placer dans sa carriole. Chacun à la ferme resta étonné de la promptitude de ce départ. Le charretier. C'est comme ça que M. Ferréor fait ses affaires. C'est pour ça que tout marche chez lui. Thomas. Il a raison, je crois. Vois-tu, femme, j'aurais attendu, hésité entre les deux, et peut-être me serais-je décidé pour le moins bon. M. Ferréor venant lui-même, il n'y avait pas à lui résister ni à lui poser des conditions. A-t-il enlevé ça? Aucun de nous n'avait soufflé mot que Gaspard était parti. La mère. Et je ne l'ai seulement pas embrassé tout de même. Thomas. Tu l'embrasseras dimanche. D'ailleurs, il n'y tient déjà pas tant, je crois. Le lendemain de ce brusque départ, M. Frolichen, plein d'espoir et décidé à l'emporter à tout prix sur M. Ferréor, son rival détesté, entra tout doucement chez le père Thomas comme on finissait de dîner. « Ne vous dérangez pas, mes bons amis, » dit-il, voyant qu'on se levait de table. « Thomas, nous finissons, monsieur. Il n'y a pas de dérangement. » « Monsieur Frolichen, je viens encore pour vous faire savoir que je voudrais bien avoir votre garçon. » « Thomas, je le sais bien, monsieur, je le vois bien. Mais voyez-vous, monsieur, monsieur Ferréor en a bonne envie aussi. Et vous savez, monsieur, qu'il n'est pas disposé à céder. Quand il veut quelque chose, il faut qu'il l'ait. » « Monsieur Frolichen. » Mais mon père Thomas, il ne faut pas qu'il ait votre garçon, ça ne lui fait pas. Vous savez, il est changeant. Votre garçon sera mis à la porte en quelques mois. Thomas, pourtant, monsieur, hier encore, monsieur Ferréor me disait, monsieur Frolichen, comment, Ferréor est venu ici hier? Thomas, oui, monsieur lui-même, il me disait, monsieur Frolichen effrayé, mein Gott, il va vous entordiller, il va vous enlever, ce garçon. Thomas, c'est déjà fait, monsieur. Il l'a emmené. Monsieur Frolichen, de même, emmené. Et vous l'avez laissé aller. Pauvre imbécile. Et vous n'allez pas le ravoir. Ne n'a-t-il pas revenir? Thomas, non, monsieur. Il est entré tout à fait. Le premier commis est venu chercher ses effets. Monsieur Frolichen, en colère. Misérable. Pourquoi vous m'avez pas attendu? Je vous aurais donné plus que ce folleur, ce fricant. Et pourquoi vous me faites perdre mon temps à vous briller? Thomas, laissez-moi donc tranquille, monsieur l'Allemand. Est-ce moi qui vous ai appelé? Vous m'avez assez ennuyé de vos visites que je ne vous demandais pas. Je vous ai toujours refusé Gaspard. Est-ce ma faute si vous avez fait le câlin pour l'avoir? Bien le bonjour, monsieur. J'ai affaire. Monsieur Frolichen. Grossier paysan, va. Je ne veux pas de ton Gaspard. Quand même tu me demanderais à genoux de le prendre. Je les laisse bourrir. J'ai donc voleur, ton panty. Thomas. Eh, monsieur, laissez-moi tranquille. Et allez vous promener. Est-ce que je vous demande quelque chose pour Gaspard? Je me moque pas mal de votre colère. Monsieur Ferréor vous écraserait comme une puce si vous le gêniez. Monsieur Frolichen, hors de lui. Une buse! Une buse! Tu me le bailleras, grédin, pricant! Monsieur Frolichen montra le poing et sortit. Il put entendre les éclats de rire de Thomas et de sa maison. Le mauvais garnement, le méchant homme! Thomas, est-ce de la chance que Monsieur Ferréor soit venu nous enlever Gaspard? La mère. Et quand je pense qu'il n'a tenu à rien que Gaspard entrât chez ce grand brutal. Quand Gaspard vint les voir le dimanche suivant, chacun lui adressa des questions sur ce qu'il faisait, sur ses camarades, sur les contremaîtres, sur M. Ferréor lui-même. Gaspard. Je suis très bien, très heureux. Les camarades ne sont pas mauvais, les contremaîtres ne sont pas trop regardants, pas assez même, à mon gré. Ils laissent faire des choses qui ne devraient pas se faire. M. Ferréor vient souvent, mais il ne reste pas. Il voit le plus gros, mais pas le détail. Après leur avoir raconté quelques histoires des usines, il sortit avec Lucas et son père pour aller se promener. En longeant un petit bois taillis, Gaspard remarqua que le voisin avait planté des arbres au bord du fossé qui bordait le bois. « Gaspard, mon père, vous avez laissé planter des arbres sur votre terrain. Le voisin Basile n'a pas le droit de planter là. » « Thomas, si fait, mon ami, c'est lui qui me borne. » « Gaspard, mais la loi défend qu'un voisin plante des arbres plus près que 6 pieds, 2 mètres, d'un terrain qui ne lui appartient pas. » « Thomas, es-tu sûr de ce que tu dis ?»« Gaspard, très sûr. J'ai étudié tout ça avant d'entrer chez M. Ferréor. Vous voyez bien que lorsque les arbres grandiront, ils feront tort au bois et surtout à la haie, et que vous perdrez votre fossé et le terrain pour le réparer. » « Thomas, tu as raison. Et moi qui ai laissé faire ?»« Gaspard, il n'y a pas de mal. Vous pouvez les lui faire arracher et replanter plus loin. » « Thomas, ce coquin de Basile, voyez-vous ça ? Il m'avait chipé 6 pieds de terrain tout le long du bois. Dis donc, mon Gaspard, toi qui connais la chose, va parler à Basile et dis-lui qu'il est à arracher ses arbres et à les planter plus loin. » Le père Thomas fut enchanté de la découverte de Gaspard qui était parti de suite pour faire la commission de son père. « Thomas, Lucas, il est pourtant bon d'être savant. Si Gaspard n'avait pas étudié, j'aurais perdu 6 pieds de terrain tout le long de ma pièce, et ma haie et mon fossé. Toi, tu n'as jamais aimé à étudier, et tu as eu tort. » Lucas. « Non, père, je ne le pense pas. Ne vous faut-il pas quelqu'un pour vous aider à la ferme, qui prenne intérêt à vos affaires, qui vous serve fidèlement, qui vous remplace quand vous êtes malade ou absent ?» Thomas. « Je ne dis pas non, mais vois ce que gagne Gaspard à 16 ans. Il a 500 francs maintenant. Dans 10 ans, il en aura peut-être 6 000. » Lucas. « C'est possible, mais si j'avais fait comme Gaspard, qui est-ce qui resterait près de vous dans vos vieux jours ? Qui est-ce qui ferait marcher la ferme ? Qui est-ce qui habiterait cette terre où vous êtes né, où était né mon grand-père ? Non, je ne regrette pas de vous avoir servi comme je l'ai fait, et je compte bien ne jamais vous quitter et mourir chez vous. » Thomas. « Ou chez toi, car tu penses bien que c'est toi qui auras la ferme, après nous. » Lucas. « À partager avec Gaspard ? » Thomas. « Non, non, Gaspard aura sa part en argent. J'en ai pas mal de placés et j'en place tous les ans. L'argent lui fera plus de profit que de la terre. » En rentrant, ils trouvèrent le père Guillaume qui venait au-devant d'eux. Guillaume. « Dis donc, Thomas, je te cherche pour te demander un service. Peux-tu me prêter 500 francs ? Je suis dans une mauvaise passe grâce à ce petit drôle de Guillaume. Tu sais que j'avais acheté l'an dernier le bout de terre qui touche à ma cour. » Thomas. « Oui, je me souviens bien. Pour 500 francs à payer au bout de l'année. » Guillaume. « Tout juste. C'est le mois dernier qu'il fallait payer. Je vais chez le voisin une fois, deux fois, trois fois, toujours sorti. Il vient chez moi à son tour. J'étais allé à la foire de chevaux, à Mortagne. Et voilà qu'il me fait dire que j'ai à le payer, que le délai est passé, et je ne sais quoi encore. Je mesurais des pommes, je ne pouvais y aller. Alors je dis à Guillaume, « Tiens, voici 500 francs, va les porter à Basile, et surtout que je lui dis, prends un reçu. » Il part et revient avec le reçu qu'il me donne. J'étais pressé par le marchand de pommes, avec ça que je ne lis pas facilement l'écriture. J'ouvre, je vois en grosses lettres 500 francs, en bas la signature. Je dis à Guillaume de serrer le papier avec les autres, et je ne m'en occupe plus. Mais ne voilà-t-il pas que je reçois ce matin une assignation par huissier pour payer ces 500 francs ? Je cours chez Basile, qui nie les avoir reçus. Je retourne chez moi pour demander des explications à Guillaume, qui me dit les avoir remis à Basile lui-même. Je cherche le reçu, j'ouvre, je vois 500 francs et la signature de Basile. J'y retourne, il me dit que ce n'est pas un reçu, mais un consentement d'attendre le paiement des 500 francs à la première sommation. Comme je te disais, je ne suis pas fort sur la lecture et surtout pour lire l'écriture. Je ne pouvais croire à une pareille filouterie. Je cours chez le maître d'école. Il me dit que c'était bien ça. Pas un reçu, mais un délai jusqu'à la première réquisition. Je retourne chez Basile, plus mort que vif. Je lui parle doucement d'abord, puis je m'emporte, je l'agonise d'injures, et finalement, je lui donne une roulée qui pourra compter. Il envoie chez le maire pour porter plainte et dire qu'il est hors d'état de bouger. Monsieur le maire arrive, cause avec lui, vient chez moi. Je lui raconte la chose. Il me dit que Basile est un fripon, mais qu'il faut payer. Et de plus, que je serai traduit devant le juge de paix pour avoir battu Basile. Nous allons chez ce brigand. Le maire arrange l'affaire. Basile renonce à porter plainte, moyennant que je paye une seconde fois ces 500 francs dans les 48 heures. Et pour éviter les friponneries, c'est le maire qui se charge de les recevoir et de faire l'acte. Voilà pourquoi je viens te demander 500 francs que je n'ai pas et que je ne te rendrai que dans un mois à la foire Saint-Martin. Thomas. Ah bien, voilà une belle affaire. 500 francs. Le gredin, le brigand. C'est comme pour moi. Il était en train de me voler 6 pieds de terrain tout le long de mon bois taillis, et tout le fossé avec. Heureusement que Gaspard est savant et qu'il m'a prévenu. Il y est dans ce moment pour lui signifier d'avoir à arracher ses arbres. Le père Guillaume. Mais peux-tu me prêter les 500 francs? Thomas. Oui, je te les prêterai, quoique ça me gêne un brin. Je vais te les compter, et Gaspard nous fera le reçu. Gaspard ne tarda pas à rentrer. Il écrivit un reçu bien en règle. Guillaume le signa et partit pour remettre l'argent à monsieur le maire. Thomas. Eh bien, Gaspard, et les arbres? Gaspard. Je lui ai fait signer un papier comme quoi il s'engageait à arracher ses arbres et à les planter 6 pieds plus loin. J'ai été longtemps parce qu'il ne voulait pas. Il n'y a consenti que lorsque je lui ai dit que vous alliez porter plainte au juge de paix. Alors, il a signé de suite. Chapitre 12. Première habileté, premier succès de Gaspard. Lucas allait à l'école bien plus assidûment depuis que Gaspard avait quitté la ferme, car il n'y avait plus que lui pour lire une lettre, un acte, pour écrire les comptes, etc. Il commençait à bien lire, à pouvoir écrire nettement. Son père lui avait acheté quelques livres nécessaires pour se tenir en garde contre les voisins, toujours prêts à vous enlever un sillon de terre, une haie, des arbres, etc. Le père Thomas n'avait plus rien à lui reprocher, et à la ferme, ils vivaient tous tranquilles et heureux. À l'usine, Gaspard travaillait de toutes ses forces, de toute son intelligence. Ce n'était pas pour M. Ferréor qu'il se donnait tant de mal, mais pour lui-même, pour son avancement. Il se rendait pourtant fort utile à M. Ferréor en lui racontant ce qui se passait et ce qui se disait. M. Ferréor aimait beaucoup à tout savoir, et personne ne le tenait au courant comme Gaspard. Aussi l'emmenait-il souvent pour lui faire voir sur place les choses dont il voulait charger les contremaîtres. « Comment se comporte Urbain ?» demanda un jour M. Ferréor à Gaspard. « Est-il bien actionné au travail ?» Gaspard. « Oui, monsieur, il se fera. Il a eu l'autre jour une affaire avec M. Chrétien, le contremaître. Monsieur la connaît sans doute. » M. Ferréor. « Non, Chrétien ne m'a rien dit. » Gaspard. « Comment ? Il n'en a pas fait son rapport à monsieur ? Il faut pourtant que monsieur sache tout. » Voilà ce que c'est, monsieur. Urbain travaillait au fil de fer pour clôture. Le soir, il s'en va à son heure, et au lieu de passer par la route que nous devons tous prendre, il escalade la barrière et passe au travers du bois. Une fois, deux fois, il recommence. Cela me paraît drôle qu'il ne fasse pas comme les autres, qu'il s'en aille seul de son côté. J'avertis monsieur Chrétien. Il me dit qu'il le surveillera. Je guette à la lisière du bois et je vois Urbain qui arrive en regardant de tous côtés. Il tenait comme des baguettes à la main. Je sors du bois, il s'arrête, laisse tomber dans l'ornière ce qu'il tenait à la main et continue son chemin. Quand il me rejoint, car j'avais pris un sentier de traverse pour le rencontrer, je lui trouve l'air un peu embarrassé. Je lui dis « Pourquoi passes-tu par ici, Urbain ? L'autre route est bien meilleure. »« C'est le plus court et c'est pour ça que j'y passe. »« Tu sais que M. Ferréor n'aime pas que chacun se fasse un chemin de sortie et qu'il ordonne même de faire sortir tous les ouvriers par la route ferrée. » Je ne lui fais pas de tort en traversant ce bois, et j'abrège mon chemin. Je ne lui dis plus rien, il continue son chemin, et moi je reviens sur mes pas. J'arrive à l'ornière, je vois 2 tringles en fer, grosses comme le petit doigt. Je les ramasse, je les porte chez M. Chrétien, et je lui raconte ce qui s'est passé. « C'est bon, me dit M. Chrétien, mets ça là, je ferai mon rapport. » M. Ferréor, Chrétien ne m'en a pas dit un mot. Quand s'est-il arrivé ? Gaspard, il y a 3 jours, monsieur. « Monsieur Ferréor, c'est singulier que Chrétien ne m'en ait pas parlé. C'est une chose grave, ça. » « Gaspard, c'est peut-être, monsieur, parce que Monsieur Chrétien voit beaucoup les parents d'Urbain et qu'il veut épouser sa sœur. Alors il ne veut pas les mécontenter, ni les mettre mal avec monsieur. » « Monsieur Ferréor, ferais-tu comme lui, à sa place ?» « Gaspard, pour cela non, monsieur. Il n'y a pas de parents, d'amis, de fiancés qui m'empêcheraient de faire mon devoir. C'est un poste de confiance. » Que celui de M. Chrétien. Il doit s'en rendre digne en faisant passer l'intérêt de monsieur avant tout, et par-dessus tout. M. Ferréor, tu as de bons sentiments, Gaspard. Tu portes donc intérêt à mes affaires. Gaspard, moi, monsieur ? Mais les affaires de monsieur sont le plus grand intérêt de ma vie. Et puis, la reconnaissance que je dois à monsieur me rend désireux de me consacrer tout entier aux intérêts de mon bienfaiteur. M. Ferréor, c'est bien, Gaspard. Je n'oublierai pas les services que tu me rends. Trouve-toi tous les jeudis et les lundis à 1 heure près du pont d'arrivée. C'est l'heure du dîner des ouvriers. Quand tu me verras venir, tu passeras par le bois et tu iras m'attendre à mon berceau de houx dans lequel personne n'a droit d'entrer. Ainsi, nous pourrons causer tranquillement et tu me tiendras au courant de ce qui se passe. Gaspard, merci bien, monsieur. Les moments que je suis avec monsieur sont les plus heureux de ma journée. Ils me font du bien au cœur. Gaspard disait vrai. Monsieur Ferréor était pour lui un moyen d'avancement le plus commode, le seul, pour arriver à la position et à la fortune qu'il voulait gagner à tout prix. Il était de la plus grande importance pour lui d'obtenir la confiance absolue de monsieur Ferréor. Il pouvait, au moyen de ses conversations toutes confidentielles, empêcher que la faveur et la confiance de son maître ne se reportassent sur tout autre que sur lui-même. C'était le chemin de la fortune et du pouvoir. Lui seul devait y marcher, tous les autres devaient en être évincés. Il éprouvait bien quelque remords de se faire ainsi le dénonciateur de ses camarades. Mais il les chassait promptement en se disant « Je veux être riche et puissant. D'ailleurs, je ne dis que la vérité. Je remplis mon devoir près de M. Ferréor. Tant pis pour eux s'ils ne remplissent pas le leur. » Le jour même de la confidence de Gaspard, M. Ferréor rencontra Urbain qui rentrait à l'atelier et qui fumait. Il n'avait pas vu M. Ferréor. Quand il l'entendit venir et qu'il leva la tête, il était trop tard, M. Ferréor l'avait aperçu. « Quelle chance !» pensa M. Ferréor. « Il fume, malgré ma défense. Il va partir de suite et personne ne pourra soupçonner Gaspard de m'avoir éclairé sur sa conduite. » Quand M. Ferréor se trouva en face d'Urbain, il s'arrêta et lui dit d'un ton froid et sévère « Je défends à mes ouvriers de fumer. Tu as fumé. Tu vas prendre tes habits de travail à l'atelier, tu vas te faire payer à la caisse ce qu'on te doit. Tu vas déguerpir et tu ne mettras plus le pied dans mes usines. Je passerai dans une demi-heure pour voir si je suis obéi. » M. Ferréor tira son portefeuille, l'ouvrit, en retira un papier et le remit à Urbain. Il y avait dessus, en grosses lettres, « Bon pour départ et règlement de compte immédiat. » Urbain, « Si monsieur voulait bien me pardonner, je ne recommencerai pas, je le jure à monsieur. » Monsieur Ferréor, « Si dans une demi-heure tu n'es pas parti, tu ne seras pas payé de ce qu'on te doit. » Monsieur Ferréor continua son chemin et se dirigea vers la demeure de Chrétien. « Chrétien, dit-il en rentrant, je viens de rencontrer Urbain, un cigare à la bouche. Tu lui donneras son compte et tu le feras partir sur le champ. » Urbain ? Monsieur renvoie Urbain, le meilleur de nos jeunes ouvriers. Je défends qu'on fume. Il m'a désobéi, il partira. Et M. Ferréor sortit. Chrétien resta atterré. Que vont dire les parents, pensa-t-il à part lui, pourvu qu'ils ne se figurent pas que c'est moi qui l'ai dénoncé. Il réfléchissait au moyen de le faire rentrer en grâce quand Urbain entra. Urbain, monsieur Chrétien, voyez quel malheur. Monsieur Ferréor m'a vu fumer et il me renvoie. N'y aurait-il pas moyen d'avoir ma grâce, si vous vouliez bien intercéder pour moi ? Chrétien, je l'ai déjà fait, mon ami, il n'a rien écouté. Tu sais combien il est dur pour l'ouvrier, il ne pardonne jamais. Pourquoi aussi vas-tu fumer dans le chemin qu'il suit toujours pour aller d'une usine à l'autre ? Je te l'avais déjà dit, tu n'as pas voulu m'obéir. Que veux-tu que je fasse maintenant ? Je ne peux pas te garder malgré lui. Urbain, Céline va croire que c'est vous qui m'avez dénoncé. Chrétien, « Céline ne le croira pas, si tu lui racontes comment la chose est arrivée. » Urbain, « Si vous me faisiez entrer dans un autre service, monsieur. » Urbain, « Ce n'est pas possible. Le patron met son nez partout. Il ne tarderait pas à te découvrir et je me perdrais sans te sauver. » Urbain, « Mais vous savez qu'il a grande confiance en vous, qu'il a l'air d'avoir de l'affection pour vous. » Chrétien, « Affection, confiance, il n'a d'affection pour personne. Il n'a confiance en personne. » Tiens, voici ton compte, mon ami. J'y ajoute 3 journées de plus, je ne puis faire davantage. Pars vite. S'il vient à te rencontrer, il est capable de me mettre à la porte avec toi. Chrétien avait raison, Urbain le sentait. Il prit donc son argent, serra la main du contremaître et partit, se proposant bien de dire tout le mal possible de M. Ferréor et de se plaindre de Chrétien à sa sœur. Il était à peine parti que le patron rentra. M. Ferréor, m'as-tu débarrassé de ce vaurien ? Chrétien, oui, monsieur, il est parti. Il a eu bien du chagrin de vous quitter, monsieur. M. Ferréor, c'est bon, qu'on ne m'en parle plus. Fais-moi voir ton livre de compte. Après l'avoir examiné, pourquoi, dit-il, as-tu payé à Urbain 3 journées de trop ? Chrétien pâlit et balbutia. Monsieur Ferréor tira son carnet de sa poche. « Je viens de faire le relevé des journées d'Urbain. Il y en a 3 de moins que ce que tu as payé. Il faut que demain tu sois parti, pour ne jamais revenir. » Monsieur Ferréor sortit. Chrétien resta atterré. Il savait que les décisions de son maître étaient sans appel. Il fallait obéir. Le lendemain, Chrétien n'y était plus. Le lundi suivant, Gaspard, fidèle aux ordres de Monsieur Ferréor, se tint à 1 heure, près du pont, croisa son maître sans avoir l'air de l'avoir attendu, entra dans le bois, gagna le berceau de houx et s'y installa. Monsieur Ferréor ne tarda pas à l'y rejoindre. Monsieur Ferréor. Eh bien, Gaspard, as-tu du nouveau? Sais-tu ce qu'ils disent du renvoi d'Urbain? Gaspard. Je crois bien, monsieur, il y en a qui sont effrayés. Monsieur Ferréor. C'est bon, tout juste ce que je voulais. Gaspard. D'autres sont mécontents et trouvent monsieur trop sévère. Monsieur Ferréor. Ils en verront bien d'autres s'ils ne suivent pas mes ordres. Et Soivrier? Gaspard. Monsieur Soivrier n'est pas trop content, monsieur. Il aimait Urbain. Mais je ne me permettrai pas d'ennuyer monsieur de ce que j'entends dire. Monsieur Ferréor. Je t'ordonne de dire tout. Gaspard. Puisque monsieur l'ordonne, j'obéirai, comme c'est mon devoir, pour tout ce que monsieur veut bien me commander. Monsieur Chrétien a causé avec monsieur Soivrier du renvoi d'Urbain. Ils ont beaucoup blâmé la dureté de monsieur. Ils ont parlé de faire rentrer Urbain sans le faire savoir à monsieur. Monsieur Soivrier veut le mettre dans l'atelier des Creusets, parce que monsieur n'y entre jamais. Puis il le mettra dans l'atelier des barres de cuivre à détirer. Monsieur Ferréor, nous verrons bien. Comment Soivrier, qui avait ma confiance, a-t-il des sentiments aussi mauvais, aussi perfides? Gaspard. C'est probablement, monsieur, pour contenter les parents d'Urbain. Monsieur Chrétien leur a demandé mademoiselle Céline. Ils ont répondu, vous l'aurez quand vous aurez fait donner à Urbain une belle position dans les ateliers de monsieur Ferréor. Monsieur Ferréor. Mais Soivrier, qui ne demande pas mademoiselle Céline, comment aide-t-il Chrétien à me tromper? Gaspard. Monsieur sait qu'ils sont amis d'enfance, que c'est monsieur Soivrier qui a fait entrer monsieur Chrétien. Alors, ils marchent d'ensemble. Monsieur Ferréor causa encore quelque temps avec Gaspard. Il fut de plus en plus satisfait de son intelligence et de ses études, crut en son dévouement et en sa sincérité, et le quitta après lui avoir donné l'assurance qu'aussitôt qu'il aurait travaillé à tous les ateliers l'un après l'autre, et qu'il serait arrivé à bien faire dans chacun des ateliers, il monterait en grade et aurait un poste de confiance. Monsieur Ferréor songea à faire partir Soivrier. Pourtant, la difficulté de le remplacer pour toutes les affaires qu'il menait, avec une activité et une intelligence rares, le décidèrent à le conserver. Mais, avec une surveillance rigoureuse qu'il confia à Gaspard, en lui recommandant la plus grande prudence vis-à-vis de Soivrier, qui resta ainsi à son poste. Les choses allèrent leur train pendant 2 ans environ. Gaspard mettait à profit ses conversations du jeudi et du lundi pour arrêter les faveurs naissantes, comme il l'avait fait pour Urbain, et surtout pour gagner de plus en plus la confiance, presque l'amitié, de son maître. Il était espionné à son tour par 2 contremaîtres, et il ne le savait pas. Ces espions n'eurent jamais que du bien à en dire, jamais un manquement de service, jamais de relâchement dans son zèle, dans son activité. Jamais une parole imprudente, jamais le plus léger blâme contre M. Ferréor. Soumission parfaite, admiration profonde, dévouement absolu. Respect constant, tels furent les sentiments que Gaspard faisait toujours paraître pour M. Ferréor. Cet homme, qu'on trouvait dur, orgueilleux, égoïste, fut enfin touché des avantages que lui offraient l'intelligence et l'affection de Gaspard. Il n'avait jamais rencontré de véritable dévouement, d'affection vraie, de reconnaissance sincère. Ses bienfaits avaient toujours été payés d'ingratitude. Partout, il avait vu l'intérêt personnel l'emporter sur le devoir. Cet égoïsme général l'avait rendu sévère jusqu'à la dureté, inexorable jusqu'à l'inhumanité, dédaigneux jusqu'à l'orgueil. La méfiance et l'égoïsme régnaient seuls dans son cœur qui ne s'était jamais ouvert à aucun sentiment affectueux. Ce qu'il voyait de la conduite de Gaspard, ce qu'il savait de ses sentiments, le disposèrent favorablement en sa faveur. Il résolut de lui donner une position plus indépendante que celle de simple ouvrier. Il le chargea de la direction d'un atelier de bobines et d'une surveillance générale des ateliers de fil de fer et de laiton. Gaspard, honnête, exact, actif et capable, mena ses ateliers de telle façon que jamais M. Ferréor n'y trouva rien à blâmer, rien à changer, rien à perfectionner. Tout y marchait avec une entente, un ordre, une économie merveilleuse. M. Ferréor, généreux une fois dans sa longue vie, porta en quelques années les appointements de Gaspard à 1 000 francs, puis à 2 000 et enfin à 3 000. À chaque augmentation, Gaspard faisait paraître une reconnaissance et une joyeuse surprise qui flattaient l'amour-propre du vieux Ferréor. Il vantait sans cesse la générosité, la bonté de son excellent maître. Ses paroles, rapportées par les espions, augmentaient sa faveur. De temps à autre, les paroles du maître d'école revenaient à l'esprit de Gaspard. Sa conscience n'était pas tranquille. Il sentait bien qu'il n'avait pas assez d'affection pour ses parents, et que M. Ferréor n'était pour lui que le moyen d'arriver au but de ses désirs. Malgré lui, son cœur sec et égoïste lui reprochait quelquefois sa conduite envers ses camarades. Chaque jour, il faisait un nouveau progrès dans la confiance de son maître, mais l'ambition qui le dévorait ne lui laissait que la joie d'un succès qu'il sentait n'être pas à l'abri de tout blâme. Chapitre 13. L'héritage. Pendant que Gaspard avançait doucement mais constamment dans le chemin de la fortune, le père Thomas et Lucas continuaient leur vie utile et occupée. Gaspard ne venait pas les voir souvent. Le dimanche était son seul jour de liberté. M. Ferréor venait généralement passer le dimanche à son petit château de l'usine. Il aimait à y trouver Gaspard, qui n'avait garde de perdre ses occasions de mieux s'emparer de l'esprit de son maître, et qui l'accompagnait partout, lui sacrifiant avec plaisir, disait-il, sa visite chez ses parents. Gaspard disait vrai. Son but principal étant la fortune et la position, il était réellement plus satisfait d'être aux ordres du vieux Ferréor qu'il commençait à aimer réellement, et duquel dépendait son avenir, que d'aller voir ses parents qu'il n'aimait guère et qui lui étaient devenus inutiles. Lucas ne laissa pas tomber l'affaire des arbres du père Basile. Il la poursuivit si bien que, 8 jours après la découverte de Gaspard, Basile fut obligé de tout arracher et de planter 6 pieds plus loin. L'absence de Gaspard fit mieux comprendre à Lucas la nécessité de savoir lire et écrire, et il continua ses leçons à l'école jusqu'à ce qu'il sût lire couramment et écrire sans difficulté. Un jour, le père Thomas reçut une lettre cachetée en noir. Lucas était au champ. Il fallut attendre son retour pour savoir ce qu'elle contenait. « Lucas, Lucas !» cria Thomas du plus loin qu'il l'aperçut, revenant à pas lents comme un garçon harassé de fatigue. « Viens vite, Lucas, il y a une lettre à lire. » Lucas hâta le pas et eut bientôt rejoint son père. « Tiens, Lucas, lis vite, je ne sais ce que c'est, une lettre encadrée de noir. » Lucas ouvrit. C'était une lettre d'un notaire annonçant la mort d'une vieille cousine qui s'était mariée et avait quitté le pays depuis plus de 40 ans, à laquelle personne ne pensait, mais qui n'avait pas oublié sa famille et son pays, et qui, n'ayant pas d'enfant, léguait toute sa fortune à son cousin Thomas, qu'elle avait toujours aimé de préférence aux autres. La surprise de Thomas fut grande. « Tiens, cette bonne cousine, c'est que je me la rappelle très bien à présent. Nous étions toujours bons amis. » C'était toujours moi qui prenais sa défense quand on la tracassait. Et quand elle s'est mariée avec un négociant du Midi, je faisais toujours taire les mauvais plaisants qui la blâmaient de quitter le pays. Et à combien se monte l'héritage ? Lucas continua la lecture de la lettre. Il y avait environ 200 000 francs à recevoir, la plus grande partie en terre, le reste en argent. Le notaire ajoutait que l'héritier devait venir le plus tôt possible prendre possession du tout et payer les droits de succession. « Thomas, comment veut-il que j'y aille ? Est-ce que je puis abandonner ma ferme, mon chez-moi, pour courir après cette fortune ? J'ai bonne envie de planter là le notaire et son héritage, et de lui faire savoir qu'il arrange le tout pour le mieux et sans moi. »« Lucas, attendez mon père, ne vous pressez pas. Consultez Gaspard, il connaît tout ça, lui. Il vous donnera un bon conseil. »« Thomas, si tu y allais, Lucas, il vient si rarement. Nous serons peut-être un mois sans le voir, si nous n'allons pas le chercher. » Lucas. « Vous avez raison, mon père. Tout juste, voici l'heure du dîner. Il sera chez lui, j'y vais. »« Thomas, tu m'as l'air bien fatigué pour partir sans manger. » »« Lucas, c'est qu'il y avait beaucoup à faire. L'orge est si fournie que nous avons eu de la peine à finir la pièce commencée ce matin. » »« Thomas, déjà fini ? Ah bien, c'est une demi-journée de sauvée. Je pensais bien en avoir pour la journée entière. Mais tu vas dîner avant de partir. Lucas. Pour ça, non. Je laisserai passer l'heure pour Gaspard. Et vous savez qu'une fois dans les ateliers, il est impossible de l'approcher. Thomas. Oui, oui, je sais bien. Monsieur Ferréor, qui m'a rencontré l'autre jour, m'a fait compliment sur son exactitude. Il m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter de son avenir, qu'il s'en chargeait. Lucas. Je vais donc avaler bien vite une assiettée de soupe et je pars. Lucas avala, comme il l'avait dit, plutôt qu'il ne la mangea, une petite assiettée de soupe et courut à l'usine. Gaspard dînait seul dans sa chambre. Il fut surpris de la visite de Lucas. Gaspard, que veux-tu à cette heure-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade à la maison? Lucas, non, non, tous en bon état. Je viens te consulter pour une affaire. Gaspard, est-ce que j'ai le temps? Adresse-toi au maître d'école. Il en sait assez pour les affaires que tu as à traiter. Lucas, mais non, il s'agit d'un héritage de 200 000 francs. Que veux-tu qu'il y fasse? Gaspard, un héritage? 200 000 francs? De qui donc? Lucas, une vieille cousine d'Annet, morte à Bordeaux et qui a tout laissé à mon père. Il ne sait comment faire. Gaspard, 200 000 francs? Répéta Gaspard, tout pensif. Écoute, laisse-moi la lettre, je la lirai, j'y réfléchirai. Et peut-être pourrais-je éviter à mon père l'ennui d'y aller. Lucas, et quand pourrais-je venir chercher la réponse? Gaspard, après-demain, demain peut-être. Je te le ferai savoir par le petit Henri, qui passe par chez vous tous les soirs en revenant de l'usine. Adieu, Lucas, adieu. Va-t'en, je suis pressé. Lucas, à revoir, Gaspard, et dépêche-toi, car mon père est tout tracassé de cette lettre. Gaspard, tracassé? Il n'y a pas de quoi. 200 000 francs, c'est un joli magot. Lucas, oui, mais s'il faut qu'il y aille, il est mieux faire des sacrifices. Gaspard, je te dirai tout ça. Va-t'en, il faut que je parte. Et sans attendre l'adieu de Lucas, Gaspard partit en courant pour se rendre à l'atelier et constater l'heure du retour de chacun. Les retardataires étaient marqués impitoyablement. Aucune considération ne pouvait empêcher Gaspard de faire son devoir. Lucas revint en courant à la ferme. On finissait de dîner comme il entrait. Les ouvriers retournaient au travail. La mère. Pauvre garçon, es-tu rouge et essoufflé? J'ai tenu ton dîner au chaud. Mets-toi à table, mon ami, et repose-toi. Tu sembles rendu de fatigue. Lucas. Je suis fatigué, mère, c'est vrai. Mais quand j'aurai mangé, il n'y paraîtra plus. Gaspard était pressé. Il n'a pas eu le temps de lire la lettre du notaire et de me donner son avis. Mais il nous rendra réponse demain ou après-demain, au plus tard. Il espère que vous pourrez vous dispenser de faire le voyage, mon père. Thomas, s'il y arrive, il m'aura rendu un fier service, et je lui donnerai une bonne récompense. Quelle chance que cet héritage! Je ne pensais pas plus à la cousine que si elle n'avait jamais existé. Tiens, voici le petit Guillaume. Que veux-tu, mon garçon? Tu nous trouves bien joyeux. La vieille cousine d'Annet vient de mourir. Guillaume, et c'est cela qui vous réjouit? Thomas, cela est autre chose. Tu m'as coupé la parole sans me donner le temps d'achever. Guillaume, dame! Ça paraît drôle de voir rire en parlant d'une parente morte. Thomas, mais tais-toi donc et laisse-moi parler. Guillaume, ma foi, j'en sais assez, je ne tiens pas à savoir le reste. Vous allez me faire oublier ma commission. Mon père vous fait demander de lui envoyer une pièce de cidre, parce qu'il a du monde et qu'il n'a plus de boisson à leur donner. Thomas, comment s'est-il laissé manquer de boisson? Je ne peux pas lui en envoyer aujourd'hui. Je suis trop pressé par le travail. Guillaume, il vous enverrait une voiture pour amener la pièce. Il sait que vous en avez à vendre. C'est pour ça qu'il vous l'a fait demander. Thomas, dis-lui que s'il veut l'envoyer chercher, c'est bon. Autrement, il ne l'aura que demain. Guillaume, j'y vais et je reviens de suite. N'oublie pas la passe, lui cria le père Thomas. Guillaume partit en courant. Thomas, quel drôle de garçon. Le voilà parti sans savoir que la cousine me laisse 200 000 francs. Lucas, il n'y a pas de mal, mon père. Il vaut mieux qu'on ne le sache pas au pays. Thomas, tiens, pourquoi ça? Lucas, parce que tout le monde vous tomberait sur le dos pour emprunter, l'un 100 francs, l'autre 500, d'autres plus peut-être. Si vous les prêtez, vous risquez de tout perdre, ou d'avoir des procès qui vous mangeront votre argent et qui vous ennuieront par-dessus le marché. Thomas, tu as raison, mon ami, tu as raison. Je n'en dirai mot à personne. Lucas avait fini son dîner, il alla rejoindre les ouvriers avec le père Thomas. Thomas, quand Guillaume reviendra avec sa voiture, tu nous préviendras, femme. Nous sommes toujours dans la grande prairie, au bout du bois. La mère Thomas. Oui, sois tranquille, je t'appellerai. Elle n'attendit pas longtemps. avant une demi-heure, Guillaume arrivait avec la charrette. La mère Thomas envoya chercher son mari et du monde pour livrer la pièce. Il repartit comme il était venu. Une heure s'était à peine écoulée depuis le départ du petit Guillaume que le père Guillaume accourait tout effaré à la ferme. La mère Thomas y était seule. Guillaume, la passe, mère Thomas, la passe. Les gendarmes demandent la passe. Guillaume l'a perdue, je pense bien. C'est 50 francs d'amende si elle ne se retrouve pas. La mère Thomas, il n'y a rien ici, mon père Guillaume. Voyez-vous-même, comment se fait-il qu'il ait perdu la passe? Guillaume, il prétend l'avoir emportée, il ne l'a plus. C'est donc qu'il l'a perdue. La mère Thomas, avez-vous bien cherché dans ses poches? Guillaume, pour ça oui, c'est moi-même qui l'ai fouillé et rudement, je vous assure. Il ne m'en fait pas d'autre, ce polisson. Il oublie tout, il brouille tout. Savez-vous ce qu'il présente aux gendarmes en guise de passe? Un vieux reçu d'imposition d'il y a 3 ans. Et c'est qu'il leur soutenait que c'était bien ça. On l'a mené chez le buraliste qui n'y était pas. C'était la femme qui faisait le bureau et elle ne se souvenait de rien. Les gendarmes ont trouvé du louche dans l'affaire et ils sont là à faire leur procès-verbal. 50 francs d'amende. C'est-il du guignon ? La mère Thomas. Si votre garçon avait su lire, père Guillaume, il n'aurait pas pris un papier pour un autre. Guillaume. Ah, ne m'en parlez pas. Si c'était à recommencer, je l'obligerais bien à aller à l'école et à savoir lire. Mais il est trop grand maintenant, sans compter qu'il a la tête dure et pas de mémoire. Allons, à revoir, mère Thomas. Suis-je vexé, mon Dieu, ce mauvais drôle ? Il me les paiera en détail, mes 50 francs. Et le père Guillaume s'en alla plus lentement qu'il n'était venu.